ses sans dents. La cour de verre lassée, je sens dehors. Dénonce mes gestes, la délation sous mon toit, mes chers voisins.